Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, l'action nationale extraordinaire pour la destitution du pouvoir de Park Geun-hye a tenu le 23 devant le tribunal constitutionnel à Séoul une conférence de presse pour lui réclamer d'accepter le plus tôt possible le projet de destitution de Park Geun-hye selon la volonté du peuple. Au terme de la conférence de presse, la formation a présenté au tribunal constitutionnel le test de requête. Selon NUSIS de Corée du Sud, le Comité pour la justice et la paix de la diocèse catholique de Suwon a organisé le même jour à Suwon, province du Gyeonggi, la prière d'actualité et publié une déclaration contre le gouvernement sud-coréen qui accuse les meetings à la bougie du peuple comme l'ordre du Nord.